La Fondation de recherche du patrimoine historique du généralissime Ayacucho, Antonio Joseph Francisco de Sucre et d'Alcalá, Fondation Sucre du Venezuela, a élu le respecté camarade Kim Jong-un comme membre d'honneur. La cérémonie pour la remise du certificat du membre d'honneur a eu lieu le 16 décembre en présence des personnalités et membres de la Fondation Sucre, du Parti de Gauche Uni, du Parti de la Patrie pour tous, de l'Académie Interarmée, du ministère des Affaires étrangères et d'autres unités d'activité du Venezuela, de l'ambassadeur coréen et de ses collaborateurs dans ce pays. Le président de la Fondation a transmis le certificat à l'ambassadeur coréen.